personne. Sans s'occuper de personne. Aller où bon te semble. Ne pas être attaché à des choses, à un lieu. Être libre. Ne pas être attaché à du matériel. Être attaché à une façon de penser, ne pas être attaché à une doctrine, à une religion, à tout, ne pas être attaché, être libre, faire ce qui te plaît. Libre de faire ce que tu veux. C'est ça la liberté, ne pas être attaché ni à personne, ni à quelqu'un, ni à autre chose. Surtout à un lieu. Le matériel, le lieu. Marcher loin d'où tu es né. S'enfuir de tout ça, plus jamais revenir sur ses pas. voir personne. Surtout pas à soi-même.